Qu'advient-il de nous et de ce qu'on n'aura jamais? Nous, parler de ce qu'on rêvait. Nous, et je sais si tu as encaissé. Ok. Je sais. Est-ce ce qu'il te faut pour te faire plaisir? Dans mon cœur il neige, girl, j'ai peur de fléchir. Penses-tu que j'ai les normes qui te rendront heureuse? Vivre avec toi, mais putain oui je le veux. Sans toi c'est pas la même, rien n'est plus pareil. Alors pourquoi je te fais du mal et toi tu me renvoies l'appareil? On n'a plus ce même toucher, plus ce même regard. Mais que s'est-il passé? Nos sentiments ont du retard. Où est passée cette femme belle et sûre d'elle? Et pourquoi cet homme est devenu bête et cruel? C'est vrai qu'on s'attache, qu'on se déchaîne, qu'on se dénoue. Mais je me demande sans cesse, mais qu'advient-il de nous? Qu'advient-il de nous? Ah, et de ce qu'on n'aura jamais? Que t'es lassé, complètement dépassé. Oui, à force de faire le con, tout ça c'est du passé. Je nous croyais fort, assez fort pour en voir sûrement d'autres. Oui, j'avais mes torts, toujours dehors, mais t'étais sur mon dos. Je n'ai pas fait les formes, je n'y ai pas mis les formes. C'est vrai, tu voulais un prince, mais je ne suis qu'un homme, tu sais. T'es dans mon cœur et ses battements, mais que de la poudre aux yeux. Toujours dans le flou, dans le faux, oui, mais je n'ai rien fait pour nous deux. Nos cœurs appelés au secours, on faisait les sourds pendant mille ans. Oui, la vie est courte et les hommes courent comme dirait l'or mille ans. C'est vrai qu'on s'attache, se déchaîne et se dénoue. Et je me demande encore, mais qu'advient-il de nous?